tu m'as tant demandé ce que je pense de toi, de la musique que tu écris. Mais moi, j'aime mieux Vivaldi. Mais toi, mon amour, je t'aime pour toujours. Et je t'ai déjà dit. Non, non, non, non, tu n'es pas Vivaldi. Non, tu n'es pas Vivaldi. Tu es bien un musicien, mais tu n'écris rien qui me transporte haut dans le septième ciel. Chante-moi l'amour et je serai belle. Pourtant, je t'aime tant, car dans tes bras, j'oublie tout le monde autour de moi. J'oublie ta musique qui n'est pas unique. Alors décide-toi et viens donc avec moi. On fera tant de folie. Quand tu prends ma bouche, tu as du génie. Mais tu n'es pas Vivaldi. Tu as tout essayé, des fugues, des symphonies, des concertos, même du yéyé. Mais moi, j'aime mieux Vivaldi. Mais toi, mon amour, je t'aime pour toujours. Et je t'ai déjà dit. Non, non, non, non, tu n'es pas Vivaldi. Non, tu n'es pas Vivaldi. Tu es bien un musicien, mais tu n'écris rien qui me transporte haut dans le septième ciel. Chante-moi l'amour et je serai belle. Pourtant, je t'aime tant, car dans tes bras, j'oublie tout le monde autour de moi. J'oublie ta musique qui n'est pas unique. Alors décide-toi et viens donc avec moi. On fera tant de folie. Quand tu prends ma bouche, tu as du génie. Mais tu n'es pas Vivaldi.